31e leçon. Chez Monsieur Duclos. Suite. Dans sa chambre, Monsieur Duclos a un grand lit, une armoire où il range parfois ses vêtements et une table de nuit. Un radio-réveil est posé dessus. Sur les murs, il y a des photographies de paysages de France. Monsieur Duclos est citadin, mais il rêve de vivre à la campagne. Néanmoins, il a des voisins sympathiques. L'appartement au-dessus appartient à un pilote de ligne qui voyage beaucoup et qui n'est jamais chez lui. Et en dessous vit un vieil homme sourd. C'est pourquoi Monsieur Duclos n'a jamais de problème de bruit. Exercice. Ses voisins sont très sympathiques. En France, il y a des paysages magnifiques. Elle rêve de vivre à la campagne. N'avez-vous jamais de problème de bruit? Où est-ce que vous rangez vos vêtements?